Le rassemblement consacré aux 60 ans de l'inspection par le président Kim Il-sung de la province du Hamgyong du Sud s'est tenu le 19 au Grand Théâtre de Hamon en présence des officiels des organismes du parti et du pouvoir, des établissements économiques et des organisations des travailleurs et d'autres habitants de la province. L'orateur a rappelé que le président Kim Il-sung a inspecté en mars de l'an 46 du Juche 1957, pendant plusieurs jours, l'usine d'engrais de Hungnam d'alors, l'usine de construction mécanique de Ryongsong d'alors, l'entreprise halieutique de Sinpo, la centrale hydroélectrique de Changjinggang et d'autres importantes usines et entreprises et des unités d'activité des secteurs halieutiques et agricoles de la province. Il a souligné que son inspection a été un événement historique pour donner lieu à un nouveau tournant dans le renforcement des activités du parti, conformément aux exigences de la réalité en évolution, le développement économique et l'amélioration de la vie des populations de la province. Pour terminer, il a appelé tous les cadres, membres du parti et autres travailleurs de la province à s'unir fermement autour du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un et à s'élancer dans la lutte pour l'application des recommandations des grands leaders et la défense de la politique du parti afin de saluer fièrement la conférence des pionniers de Malima avec des succès dans le travail.